بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثره واتفى أما بعد إن شاء الله نقوم بالتركشن لكونترول سؤال نمبر 8 أساس بسم الله الرحمن الرحيم question numéro 8 quelle est la définition de أين quoi définition أين اسم استفهام للمكان لكن la réponse qui est complète c'est ça اسم استفهام parce que l'استفهام tu peux avoir j'ai marqué c'est un اسم استفهام pour un endroit pour un endroit للمكان اين المكان هذا اسم استفهام للمكان يعني يستفهم منه او به عن الامكنه اين فلان اين ذهب تمام tu veux l'amkina تمام tu peux pas dire اين الساعه تمام tu peux pas demander ça pour le lieu donc c'était ça c'est اسم استفهام للمكان. Question numéro 2. Quelle est la définition du is al-mu'arab et mabni? C'était quoi? Ism al-mu'arab yansub yafa'. Non. Moi j'ai marqué c'est un nom dont le suffixe peut changer. C'est quoi le suffixe? يعني الاخر الكلم يعني le mu'arab. Le mu'arab et le mabni j'ai marqué c'est un nom qui ne change pas. C'est ça. تمام المعرب c'est quoi? C'est الاسم الذي يتغير آخره بسبب العامل الداخل عليه بسبب العوامل الداخل عليه. تمام c'est celui dont son suffixe comme tu as dit ou bien la fin du mot va changer par à cause de quoi? D'un عامل, d'une chose qui est rentrée avant lui. تمام qui va changer sa terminaison. تمام qui va changer sa terminaison. Donc là, Bouddha min sabab. Wal mabni, t'as dit quoi le mabni? Mabni, c'est un nom qui ne change pas. C'est le mot dont, yani, akhirahu la yataghayyar. T'auras dû dire la fin du mot. Parce que si tu dis change pas, on peut comprendre que le mot il reste comme il est. Daïman. Ah, qu'on avait pris. Non, mais il peut être le mot. Parce que le mot c'est quoi? C'est. Ah. Toutes les lettres. Moi, c'était la fin qui était sous-entendue. La fin, c'est la fin. Donc la fin, elle ne change jamais. Al-Mania, ça ne bouge pas. Ha-Ula-I, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Ma-Ha-Ula, Dorabtu, Ha-Ula, il ne change pas. Pourtant, dans la phrase Dorabtu, Ha-Ula, il n'est pas Mansoub, il ne me fait pas le B. Amma, Mathanan, Fi, Ma-Shaytu, Ma-Ha-Ula. Là, il y a Mudaf, Mudaf, il est. Ma-Ha, ce qui vient après, c'est quoi? Il est Mudaf, il est. Le Mudaf, il est toujours Majroor. Lakin, comme on peut le voir là, il ne change pas. Ha'oula, ha'oula, ha'oula. Ça, c'est quoi? La définition du mabni. C'est quoi? C'est l'ism alladhi yalzam akhiruhu, yani halatan wahida. C'est celui qui ne change pas, il reste toujours dans un même état. La fin du mot reste toujours dans un même état. Et j'avais oublié, c'était la, yani, que je pensais que vous allez évoquer. Lakin, yan qasimulash, al-ma'arab. Non, mais ça, j'en parle, mais dans la suite, parce que ta question n'est pas terminée. Tu nous donnes trois mots. Après, je vous ai dit trois mots. Ouais. Al-Bayt, c'est quoi? Al-Bayt? C'est Mabni ou c'est Mu'arab? Mu'arab. C'est Mu'arab. Tamam. America. America, c'est Mabni ou Mu'arab? Mabni. Ou Al-Mustashfa? J'ai marqué variable sous-entendu. Le Mu'arab ou pas? Muqaddar. Tamam, comme on peut le voir. Comme on a pu le voir, Al-Mu'arab, il y a un qasim ou la qismay. Mu'arab, lafzi ou Mu'arab, ma'nawi. Tamam? Tu dis quoi? Lafzi ou taqdiri? Taqdiri. Tamam, lafzi ou taqdiri. Lafzi, c'est celui qui change. Dans l'apparence du mot, à la fin de son mot, ça change. Ou al-taqdir, c'est celui qui est sous-entendu. Et comme on a pu le voir, t'as même, il y en a plusieurs. Tu as su avec un nid, celui qui se finit avec quoi? Une alif maqsoura. Avec kazaïka. On a pu le voir. Le ya. Le ya, le mutakallim. T'as même. Beyti. Hada beyti. Beyti, on a. Khabar. Ou al-khabar, le marfou. Lakin, on a. Beyti, le ta, il avec une kasraf. Lakin, on a dit. Il mouna asaba. C'est afin que ça colle bien avec là, le med. Le ya. T'as même. Il prolonge quoi, le son de la kesra et non pas la damma. Donc là, il est sous-entendu. On ne dit pas qu'il est mabni. Après? Quatrième question. Définition du na'd. C'est quoi na'd? C'est un qualificatif et vient décrire le qualifié. Il vient décrire le qualifié. C'est incomplet. C'est incomplet. C'est un mot qui renseigne sur ma note. Il peut être supprimé de la phrase et celle-ci la scoufida. Il s'accorde en genre un nombre et ça c'est plus complet que toi. Toi as rajouté Wattabi, c'est celui qui vient après. Là, faut ramener ça. Le man'out ou plutôt na'at, tamam, c'est al-ism al-tabi ou c'est al-tabi, tamam, lil man'out al-muwaddih lahu. C'est celui qui vient après le man'out, c'est-à-dire celui qui est qualifié. Tamam, faut dire al-tabi, c'est celui qui vient après le man'out, celui qui est qualifié. Tout en lui apportant quand même un éclaircissement en plus. Et comme il a dit, il s'accorde un jour et un nombre. Et ça va être le cas au niveau de la fonction. C'est-à-dire que si jamais il est marfoua, l'autre sera marfoua. Si jamais il est mansoub, il sera mansoub. Si il est majrour, il sera majrour. Ba'den. Définition de amam ou khalf. C'est d'arf ou makan. Les deux. Il marquait d'arf ou d'arf ou makan. D'arf ou pluriel, tu vois combien il y en a deux. On pourrait, j'aurais pu mettre du duel. Ouais. De là, mais c'est. D'arf ou makan. CCL. Khalas. Après. Sixième question. Les mots. On peut voir aussi, on avait dit, qu'il y a un eu l'azim et le bafar. Ce qui vient après sera dans bafilé. Un ra aliban. Ouais, ça. C'est un complément de la définition. Sinon, la définition, c'est un zaf makan. Donc, c'est pas faux. C'est ghaliban. Ghaliban, c'est pas trop faux. Les mots qui sont sur le wazn, fa'lan, quelles sont leurs particularités et pourquoi ? Moi, j'ai marqué, ils ne prennent pas de tanwin quand ils sont une sifa. Anta. En gros, c'est lorsque c'est un ces mots-là, ce sont. Et pour qu'il soit même un minasar, il faut que ce soit déjà une sifa qui caractérise une chose. Et qui est plus de trois lettres, comme on l'a vu. Et qui ne sait pas ce que vous avez marqué. Après. Septième question. La définition de inda. C'est quoi? J'ai marqué. Allez, il y a un tour. Inda. Là, j'ai marqué c'est un dharf, makan ou zaman. Donc, c'est un dharf, makan. وزمان. وزمان. Parce que tu peux dire quoi? عند فلان. أنا عند فلان. Je suis auprès de lui, à côté de lui. Ça c'est مكان. جئت عند طلوع الشمس. جئت عند طلوع الشمس. Je suis venu au moment où le soleil se levait. Donc عند cela c'est pas un lieu, mais c'est un temps. Donc tu peux utiliser pour les deux. Et tu peux utiliser aussi كذا وكذا pour la possession. عندي كذا وكذا. Question numéro 8. La définition du ism al-mawsoul. Lequel est employé pour le masculin singulier et féminin singulier? Ism al-mawsoul. Hada indi ma. Tu peux écrire? Ma. Non, je ne m'en pas rappelé. Ism al-mawsoul, ça ne me disait plus rien. Toi non plus? Ouais. Ism al-mawsoul, ani, c'est l'ism al-ladhi. Ani, yustahma li rabt bayna sha'i. Comme on avait dit. C'est pour lier entre deux choses. Comme l'atf al-bayan. Non, c'est pas comme l'atf al-bayan. Pour lier entre deux choses, pour apporter une relation entre deux choses. Ouais. Non, pas. Mathan, tu dis, c'est quoi qu'on avait dit comme ça? Il y a Mathan, elle nous a dit Al-Ladhi. C'est un peu. Ah, Al-Ladhi, c'est une mensonge. Et voilà. C'est quoi t'as marqué? Ah, t'as pas marqué non plus? J'ai rien marqué, moi. Je ne rappelle pas. C'est une mensonge. Là, j'ai. Al-Ladhi, Al-Lati. T'as vu? Al-Ladhi, Al-Lati. T'as vu? Et c'est une sorte de naat. Tu vois? Pour lier entre deux choses. Il vient caractériser et éclaircir. L'iman al-kitab, c'est n'importe quel kitab. Il aurait pu dire al-kitab al-jamil. Là, c'est la même chose. C'est quoi? C'est un qualificatif. Al-ladhi fait le maktab. C'est pas n'importe quel kitab, c'est celui qui est sur le maktab. Al-ladhi, al-ladhi. Al-ladhi, c'est pour le masculin ou al-ladhi, c'est pour le féminin. Très bien. Question numéro 9. Dire tous les damir, muttasil, damair, muttasil ou munfasil, ma'al, imtal. Son? Là. Vas-y. Fais le muttasil et lui fait le munfasil. Vas-y. Muttasil. Muttasil. Muttasil. Le ya. Mithlash. Donne-moi. Ah, kitabi. Kitabi, le ya. Kitabi, le ya. Là, moi je fais les mots de passé, l'intérêt de la vie. Kitabuka. Kitabuki. Buka. Kitabuki. Kitabuhu. Kitabuhu. Kitabuha. Kitabuha. Kitabuna. Kitabuna. Kitabukum. Kitabukum. Kitabuna. Kitabukun. Kitabuhum. Kitabuhum. Kitabuna. Non. Kitabuna. Normalement, tu fais comme ça. Kitabi, kitabuna. Kitabuka, kitabuki. Kitabukum, kitabukunna. Kitabuhu, kitabuha, kitabuhum, kuta, kitabuhun. Tu fais le mutakallim, mukhatab, ou le khaïf. C'est encore un peu. Kitabuna, kitabuna, kitabi, kitabuna. Anna. Anta. Anna. Anta. Anti. Anti. Antumna. Antum. Et moi? Huwa, hiya. Baki ethnain. Hum, hun. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Antum, anta, anti, antum, antunna. Huwa, hiya, hum, hunna. Question numéro 10. Quelle est la particularité des noms propres masculins sous la forme féminin? Tu vas parce que vas-y, réponse. Tu vois. Là, il y en a un. Il va falloir ta main. Pas de tanouine. Hamza, tu dis pas Hamza. Oussama, tu dis pas Oussama. Talha, tu dis pas Talha. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre et il est sous la forme féminine. Uhibbu l'ughati l'arabiyyati. Uhibbu l'ughati l'arabiyyati. Normalement, tu as marqué uhibbu l'ugha l'arabiyya. Moi, j'ai marqué. Pourquoi? Al-khulasa fait l'i'arab. Al-khulasa, c'est quoi déjà la phrase? Comment c'est uhibbu l'ughatan l'arabiyya? Ouais, parce qu'il est ma. Al-ughatan. Al-ughatan. لغتا أحب اللغة العربية أحب اللغة العربية بس كم واجهك هي بين إضافة أنتي دي بعض إضافة لك أحب سكو فعل عرب تقدر تخليك أحب فعل بس يعني فعل فاعل إيه الفاعل ماش دي سي لغة اللغة سي الفاعل سي لو كي في الأكسون دي مي سي اللغة. Non, il est sous-entendu, Allah Musta'an. Ah. Il est sous-entendu, il y a chèque. Hein? C'est quoi donc le fa'il? Donc le fa'il, c'est sous-entendu. C'est moi, c'est je, j'aime, ana. Ana, uhibbu, lughata al-arab. Al-lugha? Ana. Oui, mais il est vu qu'il est sous-entendu, c'est ana. Il est ana. Ouais. Sous-entendu, tu dis ana. Lughata. Lughata al-arabiya. Lughata, c'est. Comment on dit? Mansoub. Le mansoub. Inna Allah. Il est Allah Azza wa Jalla et mansoub aussi. La yam Allah. Allah Azza wa Jalla. L'Azza wa Jalla. Je peux pas dire Allah. Ouais, mais l'Azza il est mansoub. Donc lui aussi, il veut dire aussi il est mansoub. Faut d'abord dire c'est quoi son. Pourquoi? Mais après, je dis pourquoi il est. Son hukm. Il est mansoub. Non. Non, ça c'est ça. C'est quoi? Il dit quoi comme c'est un mafoum, c'est un fiyar. C'est mafoum bihi. C'est celui qui a subi l'action. C'est qui a subi l'action de la mort? C'est la Laura. T'aimes quoi? La langue arabe. C'est le COD. T'as? Je me suis mélangé les pinceaux. J'ai vu. Ou l'arabia? Naat. J'ai au moins ça de l'usine dans la phrase. Ou fi'al. Ou fa'iluhu, ana. Taqdiruhu, ana. Al-lugha, maf'ul bihi, al-arabia, mansoub, ce sont, naat. Après? Question numéro 12. Quels sont. Les types de pluriel et comment se forment-ils? Jam, salim, mufrad. Et après? Le jam. Le salim ou le taksir? Qasmou ila qasmayn. Qasmayn. Salim, il ne doit pas changer. La yataghayyar aslouhu. Muslim, muslimun. Muslimuna. Ziyadatin ou bawana. Muslimah. Tu enlèves le thème arbata. Tu enlèves le thème arbata. Et ensuite, tu mets alif ou ta. N'oublie pas de mettre ça. Dans le féminin, je marquais comme ça. Là, c'est tout ce qu'il y a en dehors de Jama Sal. C'est que tu dis Ma'ada al-Jama Sal. Ma'ada, c'est-à-dire ce qui est en dehors. Ce qui est en dehors du Salim. Ce qui n'est pas Jama Salim, c'est personne. Ça, c'est une définition. Question 13. Quelle est la particularité des mots sous forme Af'ila, Fu'ala, Fa'il? Pas de tenouine. Conjuguer le verbe dhahaba au passé. Dhahabtu, dhahabta, dhahabti, dhahaba, dhahabat, dhahabunna. Qabla hadha. Dhahabna. Nahnu dhahabna. Tu vas faire la française. Ah ouais. Alors en arabe c'est dhahabtu, dhahabna. Dhahabta, dhahabti, dhahabtum, dhahabtunna. ذهب ذهبت ذهبوا ذهبنا بعدين question 15. Quel isme ishara pour le pluriel? Fadla. Comment apporter. C'est quoi l'ismu chara? Notion de proximité de l'aliment. C'est quoi l'ismu chara pour créer? L'ismu chara. Ah, tu me demandes. Ouais. J'ai marqué haoulaï. C'est faux. Wa oulaïka. C'est faux. C'est? Oulaï. Ça c'est. C'est sur après, en français en plus. Ça c'est ismu ishara. Ensuite j'ai dit comment apporter la notion de l'éloignement et de la proximité. J'ai mis bilharf. Bilharf. Al qurba, al harf al bu'd. Kaf. Je marque en marquant ha. C'est l'am. L'am al bu'd. Oulaïka nam tilka al hada. Kaf al khitab. Kaf al bu'd wal khitab. C'est ça qui fait l'éloignement. C'est pas l'am al bu'd. Il n'y a pas de l'am dedans. Oulaïka. Donc le kaf c'est le khitab. Une chose peut faire deux choses. Et l'autre c'est le qurb. Et l'autre c'est le qurb. Le qurb c'est l'approchement. C'est quoi qurb? Qurb c'est adoration. Quelle est la particularité du pluriel qui n'a pas de raison? Il s'écrit au singulier féminin. Il s'écrit au singulier féminin. Il est singulier féminin. C'est ça ce que tu écris. Singulier féminin, non? C'est quoi? Le pluriel dénué de raison. Tu arabe. مثل مؤنس مذكر ليس تعرب تعرب سبا إعراب إعراب سيد سبا سيد مرفوع سيد منصوب سيد يتحرك ليس يتحرك يتكتب يتغير يتعامل معه يتعامل معه tu fais comme avec eux comme si jamais c'était quoi singulier féminin c'est ce que j'ai écrit t'as dit il s'écrit c'est quoi le truc tu les emploies comme si jamais c'était tu les emploies comme si jamais c'était un féminin singulier. Hadihi kutub. Hadihi kutub. La suite on fera après. Tu me dis, on finit les questions. Il reste combien de questions là? Il reste 3 questions, 4 questions. Vas-y. Ça on fera plus tard. Vas-y. Alors, question 17. Tu donnes des phrases en fait, les arabes, tu veux. Vas-y, c'est quoi? Bon, première. Les arabes. Les arabes. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça la question, c'est quelle est la définition du badel? Non, mais ça, ouais, il avait rentré. Ouais. Bon, c'est quoi la définition du badel? Le badel est un nom qui se substitue. Qui se substitue hein? Ou qui substitue? Il se substitue à lui-même. C'est-à-dire qu'il se remplace lui-même. Attention, on va pas m'endormir. Okay. J'étais pas mauvais à l'école, c'est juste que j'aimais pas l'école. Mais bon, c'est quoi ça? C'est qui peut prendre la place du. Qui substitue du en fait. Et qui est voulu dans le jugement. Mettez ça. Ah bon, là vous tenez. Parce que dans l'arabe, lorsque il traduit, j'ai dit c'est Al-Tabi' al-Maqsoud bi al-Hukm. Al-Tabi, c'est celui qui vient après, déjà. Ah voilà. Al-Maqsoud bil Hukm. D'accord. Celui qui est voulu dans le jugement. Quand même. Ou Al-Badal. Il faut faire. Il y a comme maqama al-Mubdal. Donc, c'est quoi Al-Tabi al-Maqsoud bil Hukm. C'est celui qui vient après, celui qui va être remplacé. Et qui est voulu dans le jugement, il le remplace. Ou il y a comme maqama al-Mubdal. Al-Mubdal Amin. C'est-à-dire qu'il prend quoi Annie, il va faire. Si il met le marfou, sera marfou, il sera comme ça. مرفوع مرفوع الى اخره فات لي عرب دو لي اف العرب هو اللي صافي واحد بس هو صافي